Et c'est Joe Blunt. Tu voulais pas te dire que tu pouvais pas arrêter la tempête. Tu pouvais pas arrêter la courage. Le putain de rouleau compresseur qui se dirige sur ta gueule. You are nothing for me. I killed my kid. Je le son ne quitte pas. Je le son à qui de ma tu viens te fous la mise à fou car c'est presque inhumain. Tu voulais du lourd, du sérieux, balata, le fin du fin. Joe Blunt, chaque créole coup, quoi que ça a du chien. Ok, ne pas retourner ça pour ta putain de bitch. Moi et je lis qui bosse, t'apprends sans twitch. Casse pas les couilles quand je suis dans le studio. Choco arrive dans ta surfa comme un Mrs. Q. J'pète ça, pas au fond de la classe comme dans les études. Sur le son ne quitte pas, sur le son acquis de ma chérie. Je te fous la vie d'un faux cas, c'est presque inhumain. Tu voulais du lourd, du sérieux, balata, le fin du fin. Chante plein, chaque créole, fou, quoi que ça a du chien. Sur le son ne quitte pas, sur le son acquis de ma chérie. Je te fous la vie d'un faux cas, c'est presque inhumain. Tu voulais du lourd, du sérieux, balata, le fin du fin. Chaque créole, fou, quoi que ça a du chien. Ok, le hip hop est mien, la star de ton cul appelle ma rap. Académicien, sur ce son, j'suis reçu. Ok, quand je pose ma voix, ouais, le flow, je le tue. Ouais, le flow, je le tue. T'as la naissance, ouais, le flow, je le suis. Et j'représente pour mes gangsters. J'ai dit les bands, buzz. Jamais en chien, tueuse. Hi, flow compliqué comme de Lingala. Bitch, j'en ai pas, bitch, dit à la. Devant ton cul, m'en vine fada. Si tu es content, on s'y maga. Fouti, nous, il dit Prada. Possède le My Radar. C'est Joko plein de mic. Tu cherches la fat patate. Pareil pour la Doom. T'as réparé comme dans Doom. Puissant vénère, je raéclame. Mec, fais gaffe au Sonic Boom. Gangsta, gangsta, si. Tu sais déjà où je vis. Si 18ème quartier trop busy. Tu peux pas louer en leasing. Ici c'est l'usine. Ça balance du millésime. Si tu cherches la fin, on peut remplacer ta résine. Tu veux son le kiss pas. Sur le son acquis de ma chérie. Plein de fou la vie d'un vocal. C'est presque inhumain. Tu voulais du nom du sérieux, balata, le fin du fin. Jump, plein, chaque créole cool, quoi que ça aille, chien. Sur le son ne quitte pas, sur le son acquis de ma jump, plein de fou la vie d'un vocal, c'est presque inhumain. Tu voulais du nom du sérieux, balata, le fin du fin. Jump, plein, chaque créole cool, quoi que ça aille, chien.